Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons évoquer le marché de la brocante en présence d'Alexandre Sisla, brocanteur. Alors, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, chaque année, ce sont plus de 50 000 brocantes, foires et vide-greniers qui sont organisés en France. Sur ces 10 dernières années, les chiffres sont en hausse constante. Alors, la raison est que les Français aiment chiner, et ce, depuis toujours. Alors, c'est l'occasion de décrypter donc ce phénomène au cours de cette émission de l'Instant Éco. Et nous avons donc, nous allons accueillir pour cela Alexandre Sisla, brocanteur. Bonjour, monsieur Sisla. Bonjour, Jérôme. Alexandre Sisla, brocanteur. Je suis au Marnais, j'ai 53 ans et je suis actif professionnel depuis une vingtaine d'années, depuis 2003 exactement. Alors, je suis brocanteur antiquaire. C'est la question qu'on va se poser tout à l'heure. On va se la poser peut-être. Très bien. Alors, donc, monsieur Sisla, donc, le secteur de la brocante, effectivement, affiche une bonne santé donc, depuis ces 10 dernières années. Donc, vous, ça fait combien de temps que vous avez dit ? 20 ans. 20 ans. Donc, vous avez vu cette évolution ? J'ai vu l'évolution, oui. On est passé de l'ère des foires, du marché, du contact direct, un petit peu à l'indirect par les canaux numériques. Et puis une évolution dans les mentalités, aussi dans la marchandise qui se vend. Les modes changent. J'espère qu'on va pouvoir aborder ces sujets-là précisément. Oui. Tout à fait, on va aborder tous ces points au cours de cette émission. Alors, une première question, on l'a évoqué en introduction. Vous vous considérez comme brocanteur ou antiquaire ? Pouvez-vous en profiter effectivement pour nous expliquer la différence ? Alors, la question est souvent posée et la frontière est plutôt ténue entre ces deux mondes. En tout cas, les deux, hein, l'antiquaire et le brocanteur, sont des passionnés par les objets anciens et le commerce. La différence réside dans le type de marchandises vendues. On va dire que le brocanteur, il achète des objets en tout genre et plutôt de faible valeur qu'il vend sur les foires, les vide-greniers, en boutique ou sur Internet. L'antiquaire, lui, achète des objets à plus forte valeur qu'il présente sur salon, en boutique et aussi sur Internet. Hein. Mais la différence fondamentale résiderait plutôt dans la garantie offerte par l'antiquaire qui expertise et se prononce sur l'identité d'un objet, son époque, sa valeur. Il engage sa responsabilité sur l'authenticité quand il produit une facture, un certificat. Voilà, pour ma part, à 53 ans, avec 20 années d'activité professionnelle dans le milieu, je suis acheteur d'antiquités et de brocantes. Mais je me sens plus brocanteur expérimenté qu'antiquaire, en fait. Voilà, c'est comme ça que je me définis. Je fais des expertises, parfois lors de successions. Hein. Je suis un marchand généraliste, c'est-à-dire que j'achète de manière très variée ce que j'aime dans chaque époque. J'exerce depuis 2003, donc à mon compte. Je me suis souvent longtemps défini en matière d'objets anciens comme amateur de tout et spécialiste de rien, mais avec le temps et l'expérience, je suis resté amateur de tout et je me suis un peu spécialisé dans quelques domaines. Voilà, le design, la céramique du XXe siècle, les arts décoratifs en général, le papier, la photographie, les livres, les objets de curiosité, la peinture. Voilà. En tout cas, personne ne vous donne le titre de brocanteur ou d'antiquaire. Hein. Il n'y a pas vraiment de diplôme. Tout est question de maturité professionnelle et de direction que l'on veut prendre dans la manière de pratiquer son métier. Être antiquaire, c'est un peu faire valoir son expertise. Voilà. Le marchand d'antiquité, brocanteur ou antiquaire a souvent une spécialité dominante et est reconnu auprès de ses collègues ou appelé par des particuliers. Dans le cas d'une vente, ils sont reconnus pour leur spécialité. Voilà, on les appelle pour ça. Alors, je crois que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Hein. Alors, justement, dans quelles circonstances avez-vous été justement attiré il y a plus de 20 ans par le monde de la brocante ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Voilà. Hein. J'ai un goût prononcé pour la collection des 10 ans, hein, j'achète des matériaux, des timbres, des minéraux plutôt, des petits objets que je collecte comme ça à droite à gauche. J'ai un père qui m'emmène en salle des ventes dès que j'ai 14 ans, j'y achète mes premiers objets, je les revends aux membres de la famille ou à des amis de mes parents, voilà, je commence le commerce. Mon meilleur ami, son père est notaire. Et il m'emmène préparer les ventes dans des maisons qui ont été fermées depuis 15 ans, donc qui renferment des petits trésors. Donc je commence à goûter à l'atmosphère de la poussière et des greniers. Ma chambre devient vite un lieu de décoration avec le stock des greniers familiaux. Voilà, j'y mets des lanternes magiques, j'y mets des sabres. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et puis petit, je fouille très tôt les greniers, je les trie. Voilà. Et ensuite, j'ai une formation Beaux-Arts à Dijon et à Nancy pendant 5 ans. Je ferai du design pendant un moment, je collectionne la céramique, les vases, je fais pas mal de choses qui sont reliées un peu aux matières artistiques. Je me mets à chiner dans les Emmaüs très tôt, je vais sur les vides-greniers, je collectionne et en 2003, je me lance et c'est parti. Voilà. Oui, alors donc on sent la passion dans vos propos et je crois que la passion, c'est l'élément clé pour réussir quelle que soit la profession. Oui, il faut de la passion, la ténacité, de l'entraînement. On peut pas s'improviser, je pense, brocanteur. Il faut être un peu aguerri pour entrer dans le milieu. En même temps, il faut bien commencer. On commence, je pense, petit. On a l'âme d'un collectionneur, on a l'âme d'un chasseur de trésors, d'un fouineur. Pour commencer, je pense. Après, tout doucement, on fait ses gammes comme ça. Je crois vraiment. Voilà. Tout à fait. Il faut semer pour récolter. Hein. Donc c'est, je pense, 20 ans d'expérience qui vous amène aujourd'hui à être un brocanteur donc professionnel. Alors vous l'avez dit, pas de formation spécifique, mais est-ce que vous avez, pour ceux qui seraient intéressés par cette profession, pouvez-vous nous rappeler quand même s'il y a des obligations à respecter pour devenir ou pour être reconnu comme brocanteur professionnel? Oui, pour être brocanteur professionnel, il y a une obligation de déclarer son activité. Quand on se sent prêt à franchir le pas, il faut s'inscrire au registre des revendeurs d'objets mobiliers auprès de la préfecture de son département. Il faut choisir ensuite le statut juridique de son entreprise. Plusieurs sont possibles. Les plus courantes sont l'entreprise individuelle ou la micro-entreprise. Il faut aussi domicilier son entreprise et l'immatriculer auprès d'un CFE, le Centre Formalité des Entreprises ou la Chambre de Commerce. Il faudra aussi, comme obligation, il faudra avoir un compte bancaire dédié à l'activité. Et voilà, en matière de réglementation, il y aura des choses aussi à respecter. Importante sera l'inscription au registre des objets mobiliers qui oblige à faire tenir un livre de police. Alors ce livre, c'est un... Je crois qu'il y a les garagistes et nous qui les détenons. Il consigne les lots qu'on achète, en fait. Hein. On indique la provenance et l'origine des objets. Et cela sert, en cas de contrôle, à tracer un petit peu la vie de l'objet, d'où il vient, à qui il a appartenu. Il peut faire l'objet de recherches parfois pour en cas de vol quand la police fait des enquêtes. Voilà. Si on se déplace sur des marchés, il faut avoir une carte de marchand ambulant. Ça se demande aussi à la chambre de commerce. Il y a des obligations aussi d'afficher des prix sur les lieux de vente. Il faut aussi connaître la législation concernant les matières prohibées comme l'ivoire, les écailles de tortue, les animaux naturalisés. Alors donc, au-delà de toutes ces obligations, parlez-nous un petit peu du plaisir de ce métier, de ses attraits. On peut vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment, on est des chasseurs de trésors, hein. Le marchand est souvent collectionneur. Il aime les objets, il sait les raconter, il aime les histoires. Dénicher un bel objet, quel plaisir. On apprend beaucoup aussi au travers de l'histoire des objets, donc le plaisir il est là. On apprend aussi beaucoup sur les familles qui les détiennent, hein, lors de successions. On peut faire on rentre un petit peu dans l'organigramme familial. On fait des rencontres parfois assez surprenantes, un peu incroyables. Voilà. Il y a le plaisir de la propriété aussi, et celui de négocier, se demander si on va faire une plus-value. C'est quand même le nerf de la guerre de gagner un peu d'argent. Il faut aussi savoir, dans la négociation, le faire accepter au vendeur. Voilà, c'est un jeu entre l'acheteur et le vendeur. Il faut s'adapter à des situations aussi parfois un peu complexes, un peu ubuesques lors de successions. Voilà, il y a l'idée aussi qu'on rentre dans des beaux endroits. Ça, c'est pas faux. On rentre dans l'intimité des gens, on touche les objets, on fait de belles rencontres parfois. J'ai quelques belles histoires de trouvailles ou d'achats lors de successions, voilà, on tire son plaisir dans chaque instant. Hein. On a un relationnel fort aussi avec les autres marchands ou les familles. Moi, ça m'arrive d'avoir acheté dans des familles, c'était le cas hier, et j'ai été rappelé par un des membres de la famille pour revenir... faire quelques estimations ou achats dans des choses qu'il possédait. Voilà. Et puis, il y a aussi l'idée de partir. Ça, c'est quelque chose de formidable. C'est partir sur un marché aux puces par un petit matin ensoleillé l'été. C'est assez excitant, quoi. C'est la petite aventure qui démarre. Voilà, tout peut arriver. Les jours ne se ressemblent pas dans ce métier, ça, c'est sûr. C'est le sel de ce métier. Voilà, c'est une vie riche, un petit peu marginale pour certains, peut-être. Mais une vie riche et pleine et excitante. Voilà. Eh bien, en tout cas, vous avez présenté les arguments pour nous convaincre de s'orienter vers ce métier de brocanteur. Alors, on va faire une première pause effectivement musicale et on reviendra après la pause musicale sur le marché effectivement de la brocante. Alors, on a l'habitude effectivement dans l'instant écho de demander à nos invités de choix musicaux. Alors, quel a été votre premier coup de cœur ? Ah bah, je suis antiquaire, donc j'ai des poussières. On va reprendre. J'avais envie d'écouter Cocktail chez Mademoiselle de Laurent Voulzy. C'est un titre de 1979 qui a été repris. Il s'est associé avec un DJ qui s'appelle Yuxek. Et ça nous fait un remix sympa, une sorte de cover bien dépoussiéré que j'adore. Voilà. Eh bien, on découvre tout de suite votre premier coup de cœur. Donc, Cocktail donc chez Mademoiselle, Laurent Voulzy. Alors, dans la première partie de l'émission, on a évoqué votre passion hein, pour votre métier de brocanteur. Alors, qui dit marché de la brocante dit offreur et demandeur. Alors, pouvez-vous nous préciser le nombre de brocanteurs professionnels en France ? D'après certains chiffres officiels, mais ce sont des chiffres de 2010, sont un petit peu anciens, c'est pas trop actualisé, nous serions 15 000 brocanteurs antiquaires. Mais je pense vraiment qu'on est un petit peu plus nombreux depuis la création du statut d'auto-entrepreneur et la simplification des démarches. Les gens ont voulu faire un travail complémentaire. Il y a l'envie de changer de vie et de vivre sa passion. Il y a eu l'essor d'Internet et des sites de vente en ligne. Donc, je pense qu'on est un peu plus nombreux. Oui, et puis ce sont essentiellement des acteurs de petite taille. Oui, beaucoup de petites structures, majoritairement des entreprises individuelles, les auto-entreprises, hein, avec des plafonds de chiffre d'affaires, d'activité assez bas. C'est un métier passion qui prend du temps. On est souvent seul. On délaisse pas sa famille, hein, mais soit on est seul ou en couple, on peut vivre la même passion. Mais c'est très énergivore et ça prend aussi, c'est très chronophage. Donc on est souvent seul sur. Voilà. Moi, je suis en famille en tout cas, hein, avec deux enfants et une femme, mais ça me prend du temps, mais j'arrive à équilibrer tout ça. C'est pas toujours simple. Mmh. Alors, au niveau de la demande, je suppose que ce sont les particuliers qui constituent votre clientèle principale, mais vous travaillez-vous également avec des clients professionnels ? On a une clientèle de particuliers, mais autant de professionnels. Hein. Il y a beaucoup de marchandises qui ne sortent même pas du circuit. On revend beaucoup entre nous. Hein. On vend aussi à quelques décorateurs. On travaille en réseau. Voilà. Mmh. On vend sur les foires spécialisées et on travaille tous de concert. Il y a des marchés qui sont réservés aussi aux professionnels. Hein. Des marchands étrangers qui viennent nous acheter même sur ces marchés qui sont dédiés uniquement aux professionnels où les généralistes revendent aux professionnels spécialisés. Samedi matin, à Metz, par exemple, à partir de 5h du matin jusqu'à midi, il y a un marché professionnel qui existe au moins depuis 30 ou 40 ans. J'y serai. Voilà. Très bien. Alors, si l'on revient sur l'engouement du marché de la brocante, quels sont les principaux motifs d'achat de biens d'occasion ? Après, les motifs d'achat d'occasion, je pense qu'il faut distinguer brocante au sens d'objet ancien que nous vendons nous et les objets de seconde main. La seconde main se vend, c'est vrai, sur les brocantes, mais ce ne sont pas les objets que les brocanteurs brocanteurs antiquaires recherchent ou vendent majoritairement. La brocante et les vides-greniers sont la sortie numéro un des Français depuis très longtemps. Hein. On y trouve de tout et surtout rien pour nous marchands, de plus en plus, c'est un petit peu triste. Mais acheter et consommer, c'est un peu l'opium du peuple aujourd'hui. Hein. 80% des Français pratiquent l'achat de seconde main. On peut chiner tous les jours sur Internet et toutes les marketplaces de la seconde main sont devenues... Les marketplaces de la seconde main sont devenues les nouveaux marchés de opus modernes, on va dire. Hein. Voilà, l'achat d'occasion, c'est le plaisir d'acheter et de vendre. Je pense qu'il y a des raisons plus financières qu'écologiques aussi. Hein. Améliorer l'économie du foyer, faire de l'argent pour acheter à nouveau, acheter pour revendre et arrondir sa fin de mois, c'est la bonne raison, je pense. Hein. C'est très addictif de le faire. Les moyens de le faire sont assez amusants. Et c'est amusant de faire de l'achat-revente pour beaucoup aujourd'hui, oui. Alors, parmi les brocantes les plus populaires en France, on citera bien évidemment celle de Lille. Alors, j'ai vu sur Internet, elle était allée sur 80 km, qui accueille plus de 8000 exposants, dont la plupart sont les riverains, hein, 2,5 millions de visiteurs, donc c'est impressionnant. Alors, je suppose que vous y participez en tant que professionnel. Pouvez-vous nous expliquer comment vous vivez cet événement ? Ah, l'événement est vécu doublement. Hein. C'est à la fois un grand moment de travail, d'énergie, de préparation, de concentration et de fatigue. Mais c'est une fête en même temps. La ville est en fête. Hein. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai dormi dans le camion longtemps, les nuits pour être proche de ma marchandise. Maintenant, on prend un peu de commodité, on dort à l'hôtel. Et voilà, mais c'est très agréable. On profite de la ville, on profite de la fête. Les gens sont sympas. C'est festif. C'est quelque chose à vivre. Je le conseille fortement. Et on y trouve de tout. On y fait des belles rencontres. Il y a beaucoup de marchandises. Vraiment, venez à Lille aussi. Ça sera septembre avec un décalage de 15 jours cette année à cause des Jeux Olympiques. Ça sera la mi-septembre. Voilà. Très bien. Alors, vous parlez de biens anciens. Alors, vous avez dit l'importance du réseau hein, pour un brocanteur. Alors, justement, est-ce que ce réseau joue un rôle important pour vous constituer votre stock qui doit être alimenté régulièrement ? Oui. On achète à des particuliers. On achète en salle des ventes. Moi, je l'alimente en allant chez des amis qui chinent, chez des marchands aussi, un petit peu partout. Voilà, on fait beaucoup de publicité pour essayer de sourcer la marchandise. Et puis vous parlez d'importance aussi de travailler en réseau. Alors, même si les autres brocanteurs sont des concurrents, je pense que vous travaillez quand même de concert. On travaille entre nous, ça c'est sûr. On se revend la marchandise. Comme je le disais tout à l'heure, les généralistes revendent aux spécialistes dans les marchés spécialisés. Quand il y en a un qui a une spécialité dominante, on va lui réserver un objet, on va le mettre de côté. Lui pensera à nous en retour. Mmh. Voilà, les généralistes vendent aux spécialistes, mais on travaille ensemble. Nous avons chacun un réseau de personnes qui nous réunit par affinité. Il y a aussi beaucoup d'amitié. Hein. On s'achète, on se revend. C'est un petit monde qui se retrouve sur les foires, les marchés, les déballages, comme on les appelle. On y partage beaucoup de choses. En plus, aujourd'hui, pour des raisons d'économie, on mutualise beaucoup la publicité, les trajets, les transports. Donc on a des petits binômes qui se forment. C'est un petit monde de marchands, de briquet de broc, d'antiquité avec ses codes. Voilà, la concurrence sur les affaires, mais beaucoup de convivialité. Voilà. Alors justement, l'importance de travailler en réseau s'explique aussi parce que en tant que professionnel, vous êtes confronté aussi au marché des particuliers qui vendent des biens d'occasion lors des vides-greniers. Alors on voudrait revenir un petit peu sur justement la réglementation de ces vides-greniers parce que justement, il existe des règles précises pour éviter justement de pénaliser ceux qui en font leur profession, c'est ça ? Oui, alors normalement, pour faire des brocantes, on a le droit de le faire, mais seulement deux fois par an. Mm-hmm. Donc voilà, si on a le droit de le faire deux fois par an, comme on sait qu'on en... On n'en fait voilà, pas une troisième. Comment le vérifier ? Alors normalement, les organisateurs prennent les cartes d'identité et vous signez un papier qui dit que vous n'en faites que deux par an. Voilà, et c'est déposé ensuite en préfecture par les organisateurs. Bon, les moyens de contrôle sont un peu faibles. Voilà. Et c'est particulier lorsqu'ils vendent des biens sur ces vide-greniers, est-ce qu'ils doivent déclarer leurs revenus aux impôts ? Eh bien, il existe un principe de non-imposition pour la vente entre particuliers, hein, mais selon le ministère de l'économie, si la vente reste occasionnelle et qu'elle est faite dans le but de se débarrasser d'objets non utilisés qui vous appartiennent, alors elle est exempte d'impôts. Voilà, il y a une exception, c'est quand on vend un objet d'art, un bijou ou un objet de collection et dont le montant est supérieur à 5000 euros, ça oblige à le déclarer et à payer une taxe forfaitaire de 6 à 11% en fonction du bien. Et puis il y a aussi le phénomène de vente en ligne. Maintenant, ça commence à être encadré depuis le 31 janvier 2020, je crois. Les plateformes en ligne doivent envoyer au fisc un récapitulatif des transactions des utilisateurs. Si une des conditions s'est trouvée remplie, c'est 3000 euros de revenus grâce aux ventes en ligne sur l'année ou un minima de 20 transactions sur l'année. Voilà. Ça sert à inciter les plateformes à communiquer avec la DGFiP, mais ça n'amène pas vraiment une taxation automatique, car la vente de biens d'occasion n'est pas imposable. Voilà. Très bien. On va passer maintenant à notre deuxième pause musicale. Alors, monsieur Sisla, quel a été votre choix ? Je crois que c'est un choix tout à fait différent du premier. Ah, c'est un choix influencé par mes fistons. Hein. C'est eux qui m'ont fait découvrir ces chanteurs. C'est This Is, c'est très, très moderne. Hein. Et Lucas V, je pense, c'est Lucas V. Et c'est Dandy Hogg. Voilà, c'est moderne. C'est un son que j'aime. Merci. Très bien. Moi, je vais découvrir en même temps que vous parce que je ne connais pas. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Alors, on arrive à la dernière partie de cette émission. Je voudrais évoquer la montée en puissance d'Internet. Hein. C'est le succès du Bon Coin, de Vinted, le développement de places de marché spécialisées. Alors, comment réagissez-vous en tant que brocanteur traditionnel ayant pignon sur rue ? Nous sommes aussi sur Internet, voilà. Ah bon, vous avez réagi aussi. On a réagi, on y allait parce que il y a eu la crise du Covid a vraiment tout arrêté. Il n'y avait plus de foire, plus de marché, et il fallait trouver quand même un canal de vente. Donc on s'est retrouvé tous à travailler un petit peu son Instagram, à faire un site Internet, à aller sur des sites comme Pro Antique. Voilà, nous avons des places un peu spécifiques pour vendre, et vraiment ça a permis de continuer à travailler, ça nous a réorganisé, ça a catalysé un petit peu notre univers. Ça a accéléré quand même la manière de travailler. Ça a tout transformé, vraiment. Ça crée aussi des nouveaux liens avec d'autres marchands qui étaient plus lointains, des marchands étrangers qui ont des besoins spécifiques. On travaille beaucoup avec nos téléphones et les outils Internet. Hein. Nous faisons beaucoup de publicité aussi pour nous faire connaître. Nous sommes sur Internet et on essaye d'acheter aussi sur Internet, hein, auprès des particuliers. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce qu'ils ont aussi leur site dédié. Il y a une mise en concurrence complexe. Voilà. Donc c'est un métier qui se transforme. Alors finalement, vous êtes assez confiant pour votre avenir. Pas tant que ça. En fait, notre baromètre, c'est un petit peu au gré de nos trouvailles. Voilà. Alors en ce moment, c'est un peu l'hiver. On trouve un petit peu moins. Donc je vais avoir une vision un peu moins optimiste, mais elle est objective quand même. Hein. J'ai peur qu'on se passe de plus en plus des marchands et que nous ne soyons plus les plus intermédiaires. Pourtant, nous sommes des acteurs du marché, participons vraiment à construire la valeur de chaque objet, à donner leur cote. Hein. Avant Internet, on était la seule interface entre les particuliers. Hein. On achetait une armoire à un particulier et on la revendait à un autre particulier. Aujourd'hui, le particulier peut la vendre directement à un autre particulier grâce à Internet. Voilà. Même les chineurs sont ceux qui ramassent des choses mais qui ne les gardent pas pour eux, qui les revendent. Voilà. Ils les revendaient beaucoup à des marchands. Il y avait un ordre simple des choses. Hein. Tout le monde y trouver son compte. Maintenant, ils vendent directement à ceux qui étaient nos clients. On nous appelle un peu maintenant quand les meubles n'ont pas été vendus sur le bon coin. Et en plus, il faut savoir que les meubles anciens se vendent plutôt mal. Voilà. Le monde de la brocante, on peut dire, et de l'antiquité, hein, c'est ubérisé hein, aussi. Hein, ça n'a pas échappé à ce grand phénomène. Alors que c'était un univers très, très traditionnel avec ses marchés, ses foires, ses boutiques, qui résistent quand même. Hein, qui résistent quand même. On a encore... des marchands qui ont pignon sur rue, on a des foires, des marchés, mais ils sont moins nombreux, ils sont assez qualitatifs, ils ont grossi. Il y a quelques belles villes qui accueillent ces foires-là, quelques bons organisateurs de foires aussi qui nous y accueillent. Et peut-être se spécialiser en tant que brocanteur ? C'était une tendance, je ne sais ouais, pas. Ouais, il y a une spécialisation. Mmh. Ouais, ouais, exactement. On le voit sur les marchés aux puces, même à Saint-Ouen. Il y a quand même les années 50. Les années 50 sont très présentes. Les arts décoratifs sont très présents. Ce sont des spécialistes du design du 20e siècle ou alors des spécialistes de la pendule. Bon, ça a toujours existé, mais là, on voit en même temps que tout le monde cherche un petit peu la même chose parce que ce qui se vend maintenant, c'est un concentré d'une tendance. Voilà, il faut vraiment surfer sur la vague car aujourd'hui les modes changent très très très vite. Et voilà, ça c'est très important. Et puis il s'est passé quelque chose. Hein, je pense aussi que pour notre métier, qui est une belle aventure, c'est qu'acheter et vendre est aussi devenu un spectacle télévisuel. Hein, les émissions américaines, Pawn Stars, Storage War. Et l'après-midi, les affaires conclues sont des émissions de télévision qui ne reflètent pas tout à fait la réalité du marché. On fait rêver le public, vraiment. Hein. Je pense que le marchand n'y est pas forcément mis en valeur. Hein. On pense que c'est un monde de l'argent facile quand on pense que c'est un monde de l'argent facile, mais je crois que ça ne l'est pas quand on est vraiment déclaré officiellement. Il y a une petite crise du prix réel. Les amplitudes de prix sont énormes quand on va sur Internet et quand on regarde le prix d'un objet, on s'y perd. On trouble le vendeur et l'acheteur qui ne sait plus très bien quel est le juste prix des choses. L'exemple d'une commode qu'on m'a proposée à l'achat il y a 15 jours, un mois plutôt, on m'a envoyé la photo, on m'a demandé une offre, je l'ai fait par téléphone, comme ça se fait beaucoup, j'ai donné 300 euros par exemple et la personne m'a dit ah non je l'ai vu sur internet à 1500, j'ai vu que ça se vendait mais oui mais c'est peut-être le prix haut. Elle m'a dit à 800 je suis vendeur, j'ai dit non je maintiens mon prix et finalement j'ai été rappelé hier, acceptez-vous toujours mon offre? Non je suis désolé, elle ne tient plus, j'ai répondu voilà, c'est compliqué d'acheter revendre. Vous n'êtes pas la seule profession avec ce décalage dans le marché immobilier, avec les émissions d'immobilier à la télévision, ne reflète pas non pas la réalité. On est très pressé Monsieur Sista, je crois que le temps est donc quasiment terminé pour cette émission de l'Instant Éco. Alors simplement, quelques mots, si des auditeurs ou auditrices souhaitent vous contacter, ou pouvez-vous nous préciser où on peut trouver vos coordonnées? Ah super, ben, écoutez, si j'en profite, oui, si un objet, vous possédez un objet à estimer, à vendre, vous pouvez me contacter, Alexandre Ciela, C-I-E-S-L-A, vous me trouvez sur Internet, et puis je me déplacerai, je viendrai à vous, vous viendrez à moi, on échangera, voilà, avec plaisir, merci. De m'avoir reçu. reçu, en tout cas. Bon, désolé d'avoir écorché votre nom, c'est Ciela, c'est ça? Ciela, comme on veut, voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci d'avoir effectivement participé à cette émission, puis de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir reçu pour parler de mon sujet de passionné. On n'entend pas souvent parler de ce milieu-là, et pourtant, il est bien présent dans la vie de tous les jours. Mais c'est une émission sur Radio Fadjet, une radio justement locale qui parle des acteurs locaux. C'est l'objectif de l'Instant Éco. Rendez-vous donc le mois prochain. D'ici là, n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.